when it comes to making love all night. Throw your butterscotch body beneath the red light. Blaze it up, girl, I'ma lace it real tight. Go deep till the full moon turn to sunlight. Till the darkness is gone, love remains strong. Like the bond between mother and child, you're so warm to the touch. Passionate interludes is such when you're gone. Your body's what I yearn to clutch. Just imagine ecstasy floating in a cloud. Animal attraction burning through the crowd. Heaven on earth, paradise for a price. It's cool though, I'll pay it for the rest of my life. You know why? You can take it, girl, stop running, You can take it, girl, stop running, You can take it, girl, stop running, I'm exploring your body in your erogenous zones. Like a black tiger caged up till you come home. Lovely, you make a man swoon like a boy. The love is so soft but gets hard to enjoy. Cause the mind flies and sometimes the sex lies. Smooth little girls fall in love with rough guys. But you could chop a big heart down to pipe size. I guess that's what it sounds like when a dove cries. The whole world is trapped up in a maze. But you say this real good loving for rainy days. The Lord works in mysterious ways. He must have put you on this earth for all men to praise. To praise. Say what, say what? That's right. You can take it, girl, stop running, You can take it, girl, stop running, You can take it, girl, stop running, You can take it, girl, stop running, As I travel through your body, our souls become one. Indivisible, it's getting critical, son. I'm on the run from love, it chased me out the bed. Get the point, boo, you hit it right on the head. It's an endless adventure, two bodies collide. King fulfilling dreams with a queen by his side. Forever, infinite time, we intertwine. Destiny, we fall in love by design. What's yours is mine, and what's mine is yours. The road less traveled, desires to explore. I adore you, heavenly angel, shine light. Hold my hand, I'll be your guide through the night. Say what? That's right. Come on, come on. You can take it, girl. Stop running, You can take it, girl. Stop running, You can take it, girl. Stop running, You can take it, girl. Stop running, You can take it, girl. Stop running, You can take it, girl. Stop running, You can take it, girl. Stop running, You can take it, girl. Stop running, Come on now. Man don't choose a woman chooses a man. Give you half for a second, then I give you the full plunge. Once you on, iced out ankle bracelet for scenery. Know what I mean? It's bananas, ain't it? I know. LL Cool J sur Skyrock Classics, 18h-20h. Les meilleurs dimanches soirs, c'est sur Skyrock, on les passe avec Ain't Nobody Love Me Better, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. On prépare une très très grosse soirée, on fait un petit point d'ailleurs sur les émissions qui vont suivre Skyrock Classics à partir de 20h. Dans une petite vingtaine de minutes, ce sera le Hit US, on va découvrir si Bruno Mars avec 24K Magic réalise le doublé. Il était numéro 1 du Hit Skyrock ce matin, sera-t-il numéro 1 aux États-Unis? Réponse dans le Hit US avec Stéphane entre 20h et 21h tous les dimanches. Après, ce sera la spéciale de Difool, les meilleurs moments de la radio libre. C'est Vincent qui vous mixe tout ça jusqu'à minuit depuis 21h. Il y aura plein de choses à retrouver ce soir, du double appel, il y aura aussi la venue de Soprano cette semaine dans la radio libre, à se refaire entre 21h et minuit, et à partir de minuit, Rail Suprême, l'émission Rail de référence avec DJ Kez et Fred pour 2 heures de son hip-hop et orientaux mixés sur Skyrock. Et attention, Skyrock Classics, on est reparti maintenant avec Zoxy, voici Rap Musique que j'aime, et Do For Love juste après. C'est le gros son de la West Coast, signé Tupac sur Skyrock Classics. Con connaissance dans les années 80. Ma vie elle a donné sens. À l'époque on s'éclatait bien, ouais. J'allais la voir au métro défense au chaque dimanche. American Black, pour elle j'aurais plaqué dit blanche. Elle me dit ghetto, sans guetter. On vous dit assez tôt de pas chercher pourquoi ici l'hiver ressemble à l'été. Même les saisons ne changent plus. Malheureusement toi t'as changé. Au début j'ai pas vu le danger. Te dis-je, je l'ai vu, mais je voulais pas le croire. Surtout pas soi, je voulais que je fasse quoi. À part m'asseoir pour te voir. Dans ma mémoire à tes débuts, avant que surgissent nombre des bois. Elle est à toi qui m'ont déçu, toi qui t'ont déchu. Même si les milliards te sont tombés, tu te sais. Dans la vie bébé y'a pas que l'argent et le succès. Y'a aussi des valeurs telles que le respect, la reconnaissance. À l'heure où je te rappe, je ne rêve que de ta renaissance. Ton âge d'or quand t'étais hardcore, virais pas de bord. En plus t'étais dansante et ça on trouvait ça fort. Aujourd'hui beaucoup t'écoutent mais peu te comprennent. Aujourd'hui en ce qui me concerne tes déroutes peu me conviennent. Musique rap, rap, musique que j'aime. Ouais, ça, ouais. Et musique rap, rap, musique que j'aime. J'aime ton parfum. Ouais, musique rap, rap, musique que j'aime. C'est ça, gars. Ouais, musique rap, rap, musique que j'aime. J'aime ton parfum. Ouais, quand j'ai voulu te ramener aux sources, tu sais, ils m'ont traité de pro noir. J'ai dû trapper mes bourses, devenir gangster, parler comme une pute de trottoir. Ça m'a fait mal au cœur, mais c'était ça. J'suis tombé KO, sœur KO, si tu m'aurais dit ciao. T'as troqué tes perles contre des bijoux. Tant qu'a toujours voulu devenir une star noire, là, au moins t'as eu les paillettes. Mais ma grand me trouvait sa panette. Un beau matin, j'ai dit bon, j'arrête. Pendant 3 ans, j'ai disparu de ta vie. À mon retour, t'es toujours pas connu. Il t'avait tellement sali, j'en ai pas lu. Il m'a fallu du temps, ça pour le réaliser. Pour toi, j'ai versé plus le sang qu'elle est semée qui n'anime t'entends. Mais Dieu merci aujourd'hui tu vis. Grâce à toi j'ai pu m'en sortir sans pour autant encore bien étudier. Car tu es ma source de connaissance, la seule unique qui a ma vie à donner sens. Musique rap, rap, musique que j'aime. Ouais, ça. Ouais, et musique rap, rap, musique que j'aime. J'aime ton parfum. Ouais, musique rap, rap, musique que j'aime. C'est ça, gars. Ouais. Musique rap, rap, musique que j'aime. J'aime ton parfum. J'aime ton parfum. Ouais, mais ton si t'as pas compris le concept. Je t'explique, ma musique c'est ma femme et ma femme peut pas la contester. Sauf si tu comptes rester sur le carreau mort con. Sache que je n'aurai aucun remords donc. Respecte la bronque, c'est la fillette de la fronque. Mâche tombe, je lâche bombe, c'est sûr elle lâche tombe. Gaston, lâche ton billet, mon bébé est né, c'est un bijou. Alors où je rappe, il n'a que 6 jours. Musique rap, rap, musique que j'aime. Ouais, ça, ouais. Et musique rap, rap, musique que j'aime. J'aime ton parfum. Ouais, musique rap, rap, musique que j'aime. C'est ça, gars. C'est ça, ouais. Musique rap, rap, musique que j'aime. J'aime ton parfum. J'aime ton parfum. Musique rap, rap, musique que j'aime. Ouais, ça, ouais. Et musique rap, rap, musique que j'aime. J'aime ton parfum. Ouais. Musique rap, rap, musique que j'aime. C'est ça, gars. Ouais. Musique rap, rap, musique que j'aime. J'aime ton parfum. J'aime ton parfum. Skyrock Classics, tous les dimanches, 18h-20h sur Skyrock. Turn it up loud. Hey man, you a little sucker for love, rock. Word up. I should have seen you was trouble right from the start. Taught me so many lessons, how not to mess with broken hearts. So many questions, when this began we was the perfect match, perhaps. We had some problems, but we working at it. And now, the arguments are getting loud. I wanna stay, but I can't help from walking out. Let's throw it away, just take my hand and understand. If you could see, I never planned to be a man. It just wasn't me, but now I'm searching for commitment and other arms. I wanna shelter you from harm, don't be alarmed. Your attitude was the cause, you got me stressing. Soon as I open up the door with your jealous questions. Like, where can I be? You're killing me with your jealousy. Now my ambitions to be free, I can't breathe. Cause soon as I leave, it's like a trap. I hear you calling me to come back. What I'm a sucker for love. You try everything, but you don't give up. space, what could I do? So now I'm back to making promises to you, trying to keep it true. What if I'm wrong? A trick to keep me holding on, trying to be strong in the process, keep it going. About to lose my composure, I'm getting close to packing up and leaving notes and getting ghosts. Tell me who knows a peaceful place where I can go to clear my head, I'm feeling low, losing control. My heart is saying leave, or what a tangle where we weave when we conspire to conceive. And now you're getting calls at the house, guess you're cheating. That's all I need to hear, cause I'm leaving, I'm out the door. Never no more will you see me, this is the end, cause now I know you've been cheating. What I'm a you sucker for love. Do for love. You tried everything, but you don't give up. Don't give up, baby. Do for love. Oh yeah. You tried everything, but you don't give up. Now we left you with scars, tears on your pillow when you still stay. As you sit and pray, hoping the beatings will go away. It wasn't always a hit and run relationship. It used to be love, happiness, and companionship. Remember when I treated you good? I moved you up to the hills, out the ills of the ghetto hood. Me and you, a happy home. When it was on, I had a love to call my own. I should have seen you was trouble, but I was lost. Trapping your eyes, preoccupied with getting tossed. No need to lie, you had a man and I knew it. You told me, don't worry about it, we can do it. Now I'm under pressure, making decisions cause I'm waiting. When I'm alone, I'm on the phone, having secret conversations. I wanna take your misery, replace it with happiness, but I need your faith in me. I'm you won't do. Sur Skyrock Classics, 18h-20h chaque dimanche, on se refait les sons qui ont fait l'histoire et le succès de Skyrock. L'émission s'écrit KLA de ZSIKS. Attention, il y a le morning de Default qui sera de retour demain matin entre 6h et 9h avec de la thune à choper, de l'oseille, des chèques de 1500€ cash si vous répondez Skyrock. Dès qu'on parle radio téléphone, ce sera 1500€ si Default vous appelle. Toutes les 30 minutes, il y a un coup de fil. Une fois dans l'annuaire et une autre fois sur les inscriptions. Et les inscriptions, vous pouvez participer dès maintenant avec un petit SMS. C'est 1500 que vous envoyez un chiffre au 7-20-20, 1500 au 7-20-20. Et peut-être que demain matin, vous attaquerez votre nouvelle semaine de taf avec un chèque de 1500€ dans la poche. Ça, franchement, ça fait du bien. Il y a aussi des iPhone 7 et la toute dernière PS4 Slim à choper entre 6 et 9. Soyez bien connectés sur Skyrock demain matin entre 6h et 9h. Morning de Default avec toute l'équipe. Didi, Faith Evans, I'll Be Missing You et Mac Miller aussi avec Donald Trump. C'est pour clôturer Skyrock Classics de ce dimanche 16 octobre 2016. Skyrock Classics, les éternels de Skyrock en version originale. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Every moment.

Trop de mémoire, excuse-moi, comment il s'appelle? Deng, voilà, Deng, voilà. DNG. Vous pouvez voir le live, ça se passe sur le default.skyrock.com et tous les réseaux sociaux de Skyrock. Mac Miller à l'instant, le classique Donald Trump pour clôturer Skyrock Classics. On sera de retour dimanche prochain à partir de 18h. Et juste après Skyrock Classics, c'est les nouveaux sons américains qui sont à l'honneur avec Stéphane, ça va? Ouais, écoute, ouais, bah, grande forme, on est parti pour la nouvelle révélation du Hit US et la spéciale de la radio libre de Default qui débarque après. C'est le programme du dimanche, quoi. Skyrock Classics, Hit US et puis la spéciale, tout comme Rai Suprême aussi qui va débarquer tout à l'heure à partir de minuit. Les meilleurs dimanches soirs, c'est sur Skyrock qu'on les passe. On est là, exact, allez, c'est parti. Ciao. 14h à New York, 11h à Los Angeles.